Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. Ça sifflote que le diable. Saleté de dentiste zélé. Ah, ma commande. Je voudrais combien? Pardon? Ah, vous êtes muet. Vous communiquez en textant sur votre téléphone? Oui, d'accord. Alors, je voudrais combien? C'est écrit sur le sac. Ah bon? Ish! C'est cher pour de la viande crue, non? Bon. J'espère que le journal remboursera. Après tout, c'est une dépense liée au travail. Mon petit Paul, vous allez m'écrire une chronique sur le steak tartare du resto La Vache Folle. Mais... Pas demain, mon petit Paul. J'ai dit. Et voilà comment, moi, le plus pur végétarien du monde, je me retrouve à commander du steak tartare de La Vache Folle. Voyons un peu. Ah, des frites. Je n'aurais pas tout perdu. Une motte de bœuf haché cru... surmonté d'un jaune d'œuf également cru. Je ne pourrai jamais avaler ça. Je veux y penser, mon estomac se rebelle. Alors, que faire? Et la fiction, hein? À moins que... Voici mon premier copain! Ah, Madame Coudon! Oh, Monsieur Courtemèche, mais qu'est-il arrivé à votre si charmant sourire? Un dentiste trop zélé. Mais laissons cela. Entrez donc, cher ami. Que me vaut le plaisir de votre si charmante visite? Mon doux Monsieur Courtemèche, quel accueil! Vous seriez-vous découvert soudain un petit béguin pour ma personne? Vous m'avez percé à jour, petite sacripante! Grand taquin, va! Allez, expliquez-moi ce qui vous amène aujourd'hui. Oh, Monsieur Courtemèche, nous badinons, mais ma venue est motivée par une cause bien triste. La myopie du lombric d'Amérique septentrionale. Imaginez tous ces pauvres petits lombrics qui se frappent le nez sur les cailloux parce qu'ils ne parviennent pas à lire les panneaux de direction. Le professeur Bigleux, la sommité dans le domaine, me confiait hier que la myopie des lombrics avait déjà des répercussions catastrophiques, non seulement chez les lombrics, qui ne savent plus par quel bout se diriger, mais aussi sur la culture des laitues. En effet, à ce qu'il semble, la myopie des lombrics entraîne chez eux une baisse considérable de leurs déplacements. Ce qui, bien sûr, amène une diminution de l'aération des sols, d'où baisse drastique de la culture laituesque. Oui, je vois... En passant, vous aimez le steak tartare? Pardon? Le steak tartare, vous aimez? Oui, beaucoup, mais quel rapport avec les lombrics? Outre une vague ressemblance esthétique, rien du tout. C'est que, voyez-vous, ma chronique doit traiter du steak tartare d'un nouveau restaurant, et j'aimerais votre avis. Mon avis? Oui, s'il vous plaît. Mais avec grand plaisir, Monsieur Courtemèche. C'est bien gentil, Madame Coudon. Suivez-moi à la cuisine. Ne devrions-nous pas plutôt nous diriger vers la sortie? Pourquoi? Le restaurant. Oh, il livre à domicile. Picard, non! Bandit de chat! Oust! file! Je suis vraiment désolé, Madame Coudon. Quand vous êtes arrivée, je venais de recevoir le repas et je n'ai pas songé une seconde que Picard... Oh, ce n'est rien, Monsieur Courtemèche. En fait, je préfère cela. Peut-être maintenant que votre charmant Minet a dégusté notre dîner, pourrions-nous aller dans un vrai restaurant? Oui, bien sûr. Enfin, c'est que... prise au piège. Tant pis. Allons-y, Madame Coudon. Vrai? Vous m'invitez? Je vous invite. Où voulez-vous manger? Au Cordon Bleu. Oh, j'ai toujours rêvé de manger au Cordon Bleu. C'est le resto le plus cher en ville, m'a-t-on dit. C'était « Don't leave me here » de Christian Martin, interprété par Kael. Et maintenant, une page de pub. Achetez la Box! La voiture la plus économique de sa catégorie. Vous apprécierez son luxe inégalé, sa tenue de route approximative, ainsi que son système anti-patinage déficient. La Box! La moins chère sur le marché! En option climatisation, siège chauffant, vitre électrique, toit ouvrant, transmission automatique et manuelle, phare avant, pneus, moteur 8 cylindres, 6 cylindres, 4 cylindres, 3 cylindres, 1 cylindre et pédalier, pare-brise, pare-choc avant, pare-choc arrière, roue de secours, crique et boulon, moquette trouée, frein avant, frein arrière, frein de secours. La sécurité routière recommande de ne circuler avec ce véhicule que par beau temps. La plus petite brise jette le véhicule hors de la route, mais la moindre surface mouillée l'amène à quoi plaire. En vente chez tous les bons coins. Remords. C'est tout le loyer du mois qui vient de passer dans ce gueuleton avec Madame Coudon. Et en plus, j'ai dû racheter de ce remords de steak tartare parce que ce goinfre de Picard a bouffé la livraison précédente. Cette fois, je ne le sors pas dans l'emballage avant que le prochain cobaye soit hameçonné, halé, ficelé et empaillé. Salut Warren! Qu'est-ce que tu t'amènes? Ce serait plutôt à moi de vous poser la question, pépère. Ben, tu penses? Il me semble. C'est vous qui venez de sonner chez moi. Ah, si tu te dis, mon jeune. En passant, qu'est-ce qui est arrivé à ta bouche? Un mari jaloux? Non, un dentiste zélé. Ah bon? Magnifique, blé, tout. Pis, mon jeune, qu'est-ce qui m'amène? Ah, ça, c'est une bonne question. Pendant que vous y réfléchissez, je vais vous en poser une autre, moi. Aimez-vous le steak tartare, pépère? Le quoi, mon jeune? Le steak tartare. Bah, qu'est-ce que c'est ça? Venez, je vais vous montrer. Ah, des patates frites! Non, je me suis trompé de sac. T'as du bœuf haché? Et c'est ça, ta tartare? Ouais, en quelque sorte. Et pourquoi je l'ai pas dit de suite? Pas sûr que j'aime ça! Attendez-moi un instant, je vais voir qui a sonné. Ouais, comme un petit creux, moi, là, là. Et il mange juste un petit quelque chose, là, cette tartare-là, pour que ça soit immangeable. Ah, ben, viens ce qu'il me faut. Un brin de beurre. Et maintenant, la tartare. Ah, les fouillerons, ben comme faut, les enfants, des bas, je vois des bonnes galettes en hamburger, ça. Ah, ben c'est prêt! Excusez-moi, pépère, j'étais prêt avec un remords de vendeur de balayeuse qui voulait plus décoller. Mais pépère, qu'avez-vous fait là? Ben, tu vois bien, mon jeune. J'ai fait cuire ton tartare, là, puis je la mange. Tu m'as demandé que je mette ça. Je suis posé que tu voulais me la donner. Ben... Ah, t'es quoi, c'est bien bon, mon jeune. C'est bien, bien bon. J'en suis bien heureux, pépère, mais... Ah, ça me fait penser. Il faut que je me sauve, moi, là, là. Et il y a ma mère qui m'attend avec le sel, là, que tu m'as prêté. La revoyure, là, puis merci bien pour le lunch. Je vous en... Oh, mort. Il a fait cuire le steak tartare. Et en plus... Il est parti avec ma salière. Il ambitionne un peu, le pépère. Vous? Que faites-vous là? Je n'ai rien commandé. Ah bon? Votre patron a pensé que ce serait une bonne idée que vous vous arrêtiez au cas où j'aurais encore envie de steak tartare. Ouais, bon, puisque vous êtes là, je vais le prendre. À la prochaine, qui dit. C'est la dernière fois, monsieur. La trois morts de chronique me coûte les yeux de la tête. Je vais téléphoner à Mac. Il est toujours prêt à courir pour me dépanner. Mais avant, un peu de musique. Thank you.